3. Zéphyr. Après l'histoire de ce caprice de grande dame, il faudra descendre bien bas dans la foule. Il faudra monter bien haut dans les sentiments pour s'expliquer les circonstances bizarres du récit que nous avons à faire. Depuis la mort de Madame Parangon, nul épisode ne fut plus douloureux dans l'existence de l'écrivain, et il l'a reproduit lui-même sous la triple forme du roman, du drame et des mémoires. Ceci se rapporte encore à l'époque où, toujours ouvrier-compositeur, il n'avait encore publié aucun livre. Il dut sans doute à cette aventure l'idée de l'un de ses premiers ouvrages. Nicolas passait un dimanche près de l'opéra, qui se trouvait alors faire partie du palais royal. Il remarqua à une fenêtre de la rue Saint-Honoré une jeune fille, qui chantait en passant de la harpe. Elle paraissait n'avoir que 14 ans. Son sourire était divin, son air vif et doux. Le son de sa voix pénétrait le cœur. Elle se leva, et sa taille guépée, comme on disait alors, se mouvait avec une désinvolture adorable. Un instant, Madame Parangon fut oubliée. Un instant après, un souvenir plus vif rendit à Nicolas la force de fuir la sirène. En retournant le soir chez lui, rue Sainte-Anne, il revint par le même chemin. La jeune fille n'était plus à la fenêtre. Elle marchait le long des boutiques, sur le pavé boueux, avec des mules roses et une robe à falbalas. Nicolas, jeune encore et le cœur plein d'un cher souvenir, n'éprouva qu'un sentiment de pitié. Il interrogea la pauvre enfant, qui lui répondit qu'elle se nommait Zéphyr, et qu'elle demeurait dans la maison avec sa mère, sa sœur et leurs amis. Il y avait tant d'innocence apparente dans ses réponses, ou plutôt tant d'ignorance de ce qui était mal ou bien, vice ou vertu, que Nicolas crut qu'elle jouait un rôle appris d'avance. Il s'éloigna et rentra tout pensif à son logement, qu'il partageait avec un autre ouvrier imprimeur, nommé Loiseau. Le jour suivant, comme ils revenaient ensemble après leur journée, Nicolas montra la jeune fille à son compagnon, plaignant le sort d'une pauvre enfant, perdue sans savoir même qu'elle l'était, et voulut s'arrêter pour l'interroger encore. Mais Loiseau, homme de mœurs sévères et qui était prêt à se marier, entraîna Nicolas, en lui parlant du danger qu'il y avait seulement à se pencher sur un abîme. « Et s'il fallait sauver quelqu'un ?» dit Nicolas. Loiseau hocha la tête, et Nicolas entama une longue dissertation philosophique sur la corruption des grandes villes, sur la nécessité de moraliser la police, le tout mêlé de considérations touchant l'antique institution des États-Unis, sur des règlements à établir dans le goût de ceux qu'avait institué Jeanne de Naples dans sa bonne ville d'Avignon. Il n'était jamais à bout ni d'arguments ni de science. Le bon Loiseau se borna à dire quelques mots de Madame Parangon. Nicolas se tut. Cependant, il ne put s'empêcher de passer le soir du côté gauche de la rue Saint-Honoré, en regardant toujours avec intérêt la pauvre enfant et lui adressant quelques paroles. Loiseau lui en fit encore la guerre. Il prit dès lors un autre chemin pour se rendre de l'imprimerie du Louvre à la rue Sainte-Anne. Depuis quelque temps, Nicolas se sentait malade. Il lui survenait des étouffements périodiques qui duraient plusieurs heures. Le travail lui devenait impossible. Il lui fallut rester au lit. Loiseau travaillait pour tous deux, mais leurs ressources ne tardèrent pas à s'épuiser. L'infortuné demeurait au 5e chez un fruitier qui en même temps était afficheur. Un grabat, 2 chaises, une table boiteuse, un vieux coffre, tel était son mobilier. Il recevait le jour par une chatière garnie de 2 carreaux de papier huilé. Les planches de la cloison, qui séparait son réduit de celui de Loiseau, étaient couvertes d'affiches de théâtre, posées par le fruitier pour enclore les interstices, et le malade n'avait d'autre distraction que de lire la Mérope. Là, Alcyone, là, cette bohémienne, où il avait admiré Madame Favart, ailleurs la gouvernante, où Mademoiselle Huss était si médiocre, mais si jolie, puis encore les dehors trompeurs, qui lui rappelait la belle Guéant, ou Arlequin sauvage, drame singulier, où brillait une certaine Coraline, dont les traits avaient quelque rapport avec ceux de Zéphyr. Tout à coup, la porte s'ouvre. Le fruitier avance la tête et dit à Nicolas, « C'est votre cousine qui demande à vous voir. »« Je n'ai pas de cousine à Paris, » dit Nicolas. « Vous voyez bien, mademoiselle, » dit le fruitier en se retournant, « que c'est un prétexte. On ne reçoit pas de femme mise comme vous dans la maison. » « Mais je vous dis que c'est mon cousin Nicolas, » répondit une voix flûtée, « puisque j'arrive du pays. »« Oh, c'est que vous êtes bien pimpante, et lui ne l'est guère. » Enfin, l'interlocutrice se glissa sous le bras du fruitier et pénétra dans la chambre. « Oh, quelle misère ! Mais monsieur, il se meurt » dit-elle vivement au fruitier. Enfin, l'étouffement avait repris depuis un instant. « Quel est le plus pressé ?» dit la jeune fille d'un ton résolu. « Voilà de l'argent. » Et elle donna des pièces d'or. « Le plus pressé, » dit le fruitier adouci, « serait un bouillon. » « Apportez-en sur le champ du vôtre. » Nicolas, en revenant à lui, sentit une main d'enfant qui soulevait sa tête. tandis que l'autre main approchait une cuillère de sa bouche. Il ne pouvait plus en douter, cette beauté compatissante était Zéphyr. Elle avait vu passer l'oiseau lorsqu'il se rendait à l'imprimerie, l'avait poursuivi et lui avait dit « Pourquoi donc ne voit-on plus votre ami passer par ici ?»« Il est bien malade », avait répondu l'oiseau, et interrogé sur l'adresse, il l'avait donnée indifféremment. Pendant que Nicolas, soulagé, retrouvait des forces pour se lever à demi sur son grabat, Zéphyr, en robe de taffetas rose, balayait le galetas, rangeait les chaises et la table. Puis elle revint au lit du malade, lui mit dans la bouche des bonbons imprégnés de gouttes d'Angleterre, et tirant de sa poche un mouchoir, lui essuya le front. Elle le coiffa de son fichu qu'elle assujettit avec un ruban. Puis elle dit tout à coup « Je ne suis pas en costume décent pour soigner un malade. Je vais revenir d'ici à un quart d'heure. » Le fruitier rentra dans l'intervalle, apportant un second bouillon. « Il faut croire, dit-il, que votre cousine est une femme de chambre de grande maison. Elle m'a payé pour un mois, et elle a donné une croix d'or à ma petite. » Nicolas, affaibli par la maladie, ne voyait plus qu'une fée bienfaisante dans cette pauvre fille, qui montait à lui de l'abîme, comme les autres viennent du ciel. Zéphyr revint bientôt en robe d'indienne, et resta près de Nicolas jusqu'à la nuit. Le fruitier lui monta à dîner, et enchanté de la bonté et de la gentillesse de la prétendue cousine, voulut même ajouter à ses frais un petit dessert, que Zéphyr partagea avec le malade. Cependant la nuit était venue. Elle se leva avec un sentiment pénible. « Où allez-vous ? » dit Nicolas. « À la maison, c'est l'heure où l'on m'attend, » dit Zéphyr, et elle s'enfuit pour cacher ses larmes. Nicolas avait eu à peine le temps de songer aux derniers mots de Zéphyr que les pas de son ami l'oiseau se firent entendre dans l'escalier. L'oiseau n'était pas de bonne humeur. Ses compagnons de l'imprimerie n'avaient pu lui prêter que fort peu de choses. Il apportait seulement du sucre pour le malade et du pain pour lui-même. Une odeur de pot-au-feu le surprit tout d'abord. C'était le dîner que le fruitier avait monté pour Zéphyr, laquelle y avait à peine touché. « À la bonne heure, » dit l'oiseau, « ce brave homme a pitié de nous. » Et il tira à la table pour profiter de cette aubaine. Un sac d'écus roula à terre. « Qu'est-ce que cela ?» dit l'oiseau. Nicolas n'était pas moins étonné que lui. « T'aurais-tu envoyé de l'argent de ton pays ?»« Et qui donc songe à moi ?»« Excepté toi et... »« Mais c'est elle. » »« Qui elle ?»« Zéphyr, que tu as rencontré ce matin, qui est venu me soigner en ton absence. »« Comment ? Une fille du monde ?» Toutes les idées de l'honnête l'oiseau étaient renversées. Tantôt il admirait la bonté et le dévouement de la jeune fille, tantôt il voulait aller reporter l'argent impur déposé par elle. Enfin, sachant qu'elle devait revenir le lendemain, il mit l'argent dans la malle pour le lui rendre. Le lendemain matin, Zéphyr reparut. Elle était si jolie, si naïve, si touchante dans sa pitié, que l'oiseau fut attendri. « Qu'importe où soit la vertu, s'écria-t-il, je me prosterne et je l'adore. » « Mais cet argent, nous ne pouvons l'accepter. » Zéphyr comprit sa pensée. « Cet argent vient de mon père, dit-elle, c'est ma sœur aînée qui me le gardait et qui me l'a donné en apprenant qu'il y avait un pauvre malade à secourir. » L'oiseau se laissa aller à ouvrir le sac et à compter les écus en versant des larmes d'attendrissement. Les deux amis étaient accablés de tant de dettes criardes qu'en y songeant, leurs scrupules s'affaiblissaient beaucoup. Le soir même, Zéphyr oublia et resta jusqu'à la nuit close. L'oiseau la trouva encore en rentrant. Elle le pria de la reconduire. « Moi, dit-il, reconduire ? Sans cela, on m'arrêterait. Allons, dit l'oiseau, je vais me faire une belle réputation dans le quartier. » Quant à Zéphyr, elle trouvait sa position fort simple. Sa mère lui avait dit que les femmes se divisaient en deux classes, toutes deux utiles à leur manière, toutes deux honnêtes relativement. Elle appartenait à la seconde classe. N'étant pas née dans la première, voilà tout. Le lendemain était un dimanche. Elle resta avec les deux amis et leur dit « J'ai tout appris à ma mère. Elle me permet de venir toute la journée. Elle approuve mes sentiments. Elle aime mieux me voir fréquenter un bon ouvrier qu'un sergent qui me battrait, ou qu'un joueur qui me prendrait tout. Elle est très bonne, ma mère. » L'oiseau gardait le silence en fronçant le sourcil. Nicolas, qui reprenait des forces, se leva tout à coup avec son ancienne exaltation et revêtit son unique habit. « Allons chez sa mère, » dit-il à l'oiseau. « Recouche-toi, » répondit ce dernier. « Non, aussi bien je mourrais me tordre de désespoir sur ce lit. Ceci est une crise qui me sauve. Il ne faut pas que cette jeune fille retourne ce soir dans cette maison. Mon mal a changé de caractère. Je n'ai plus d'oppression. J'ai la fièvre et la rage toutes les nuits, à partir de l'heure où elle nous quitte. Comprends-tu pourquoi ?» L'oiseau essaya en vain des représentations. Nicolas n'écoutait rien dans ces moments d'enthousiasme. Ils se rendirent rue Saint-Honoré chez la mère qui se nommait Percy. C'était une ancienne revendeuse à la toilette et prêteuse sur gage, chez laquelle il s'était donné des rendez-vous de galants et de grandes dames qui avaient été surpris par les sergents. On l'avait condamné à une forte amende, moins pour le délit même que pour n'avoir point payé les redevances d'usage à la police. Depuis ce temps, elle avait pris patente, afin d'être tranquille. Interrogée par Nicolas et Loiseau, elle jura que sa fille était jusqu'ici demeurée honnête, mais qu'on n'attendait que l'âge convenable pour la lancer dans le monde, avec l'autorisation du lieutenant de police. Les deux ouvriers frémissaient de ces détails, que la Percy énumérait avec la plus grande complaisance. Loiseau ne put s'empêcher de marquer son indignation. « Que voulez-vous que je fasse ? » Dit alors la mère. « Ne suis-je pas noté ? Qui l'épouserait ? » D'ailleurs, élevée comme elle est, jolie, avec des talents, se résignera-t-elle à gagner quelques sous par jour dans la couture, ou à faire de rudes travaux, à devenir servante ? Qui voudrait d'elle ? Et dans tous les cas, sera-t-elle moins perdue ? Nous connaissons l'histoire des jolies filles dans le peuple. « Eh bien, moi, je l'épouserai, dit Nicolas, si elle veut ne plus mettre les pieds chez vous et apprendre à travailler. » La Percy se jeta à son cou. « Dis-tu vrai, mon garçon ? Tiens, tu me fais pleurer, et j'en avais perdu l'habitude. Écoute bien, ne crois pas que ma fille n'aura point une dot, et de bon argent bien gagné encore. J'ai été revendeuse, j'ai prêté à intérêt, c'est honnête cela. Ne parlons pas de ces choses, dit Nicolas, je me sens fort maintenant, et je gagne beaucoup quand je travaille. Ainsi vous consentez à ce que votre fille ne rentre plus ici ? Vous êtes une bonne femme au fond. Mon Dieu, dit Loiseau, se peut-il qu'il y ait de la vertu même dans de telles âmes ? Je l'ignorais. Cependant, j'aurais mieux aimé ne pas le savoir. Loiseau avait raison. Il vaut mieux, dans l'intérêt des mœurs, supposer que le vice déprave entièrement ses victimes, sauf la chance de l'expiation et du repentir, que de s'exposer aux choix difficiles qui résultent d'un mélange douteux de bien et de mal. C'était le raisonnement d'un homme vulgaire, mais sage. Nicolas n'était ni l'un ni l'autre, malheureusement. Zéphyr accepta avec transport la proposition de vivre pour l'homme qu'elle préférait. L'amour seul assurait Nicolas de sa vertu. Il fallut encore que le bon Loiseau fît son éducation morale et lui donna des leçons de décence et de pudeur. On lui fit lire de bons livres, à elle qui n'avait lu encore que des romans de Crébillon fils ou de Voisenon. On lui apprit à tenir un autre langage que celui qu'elle avait entendu tenir jusque-là, et ce fut seulement lorsqu'on n'eut plus rien à craindre de ses manières délibérées ou de son caquet imprévoyant qu'on lui chercha une profession. La prétendue de Loiseau, qui se nommait Mademoiselle Zoé, avait aidé beaucoup les deux amis dans l'éducation préliminaire de Zéphyr. Elle la proposa pour demoiselle de boutique à une marchande de mode qui demeurait au coin de la rue des Grands Augustins. Ses vêtements de grisette, sa coiffure sans poudre et son bonnet à tulle plat la changeaient tellement qu'il eût été impossible de la reconnaître. La mère, avertie par Nicolas, approuva tous ses arrangements et s'engagea à ne jamais rendre visite à sa fille tant qu'elle serait en apprentissage. Nicolas ne pouvait voir Zéphyr que le dimanche. Mademoiselle Zoé allait la chercher ce jour-là, et l'on faisait des promenades hors barrière avec Loiseau. Nicolas, toujours impatient, ne pouvait s'empêcher de passer chaque soir devant la boutique. Il regardait aux vitres et était considéré comme le galant assidu de quelqu'une des jeunes filles, sans qu'on pût savoir de laquelle. Les boutiquières de Paris ne s'étonnent jamais de ces amours à distance, qui sont des plus fréquents. Un dimanche, Nicolas convint avec Zéphyr qu'il lui écrirait tous les soirs. Comme elle était placée près du vitrage, il avait soin de plier sa lettre emplie d'éventail et la passait par l'un des trous de boulon. Zéphyr tirait adroitement le papier et était heureuse jusqu'au lendemain. Quelquefois, lorsque les demoiselles étaient couchées, il venait dans la rue déserte avec son ami Loiseau, qui jouait fort bien du luth, et ils exécutaient les airs d'opéra les plus nouveaux, tels que « L'amour m'a fait la peinture », ou bien dans ce charmant asile. Choisissant de préférence les couplets où se trouvait le mot Zéphyr, l'amour fait de l'esprit comme il peut. Leur promenade du dimanche avait lieu le plus souvent au but de Montmartre. Un jour, ils furent suivis par trois mousquetaires jusque chez un traiteur où ils allaient dîner. L'un de ces derniers reconnut Zéphyr pour l'avoir vu Saint-Honoré. La trouvant en compagnie de simples ouvriers endimanchés, ils voulurent la leur enlever. Heureusement, le fruitier les avait accompagnés, ce qui rendait la partie égale, sauf les épées, dont Nicolas et Loiseau étaient dépourvus. En revanche, le fruitier, prévoyant l'attaque, avait saisi une longue broche dans la cuisine du traiteur. « Prends garde à toi, drôle, dit l'un des mousquetaires menacés par cet instrument, nous sommes des gentilshommes, et nous te ferons fourrer au Châtelet. »« Vous déshonorez votre famille et l'habit militaire, criait Nicolas. Il s'agit bien d'honneur, c'est la Zéphyre qui est avec vous. Eh bien, demandez-lui si elle ne préfère pas un seigneur à un ouvrier. Nous avons de l'or, la belle, ajoutait le mousquetaire en faisant sonner sa poche. La querelle tournait à la discussion grâce à l'attitude des trois défenseurs. Mais ces dernières paroles mirent l'oiseau hors de lui. Infâme, s'écria-t-il, vous venez de commettre un grand crime. Vous avez profané le retour à la vertu. Quant à Nicolas, il s'était saisi d'une chaise. Qu'est-ce que c'est que cela ? Dit un des mousquetaires plus aviné que les autres. Une vertu qui sort du vice ? Et l'autre drôlesse, est-ce que c'est aussi une vertu ? Il cherchait en même temps à s'approcher de Zoé. L'oiseau le repoussa rudement. « Respecte la fiancée d'un citoyen » cria-t-il. Cela se passait en 1758. « Un citoyen » dit le mousquetaire en éclatant de rire. « Cela ne se dit qu'à Genève. Tu m'as l'air d'un huguenot. » L'oiseau prit un escabeau et frappa le mousquetaire qui avait parlé. La mêlée devint générale. En vain Zéphyr et Zoé s'interposaient entre les combattants. Le fruitier faisait merveille avec sa broche et les mousquetaires étaient vaincus lorsqu'arriva la garde appelée par le traiteur. Nicolas, exaspéré, voulait résister encore, mais l'oiseau s'y opposa, et tout ce qu'il put faire fut d'emporter hors de la salle Zéphyr évanoui. Quand le commissaire arriva, les mousquetaires, embarrassés eux-mêmes de leur équipée, se servirent de leur conjecture précédente pour affirmer que l'oiseau, qui avait l'air grave et se trouvait vêtu de noir, était un ministre protestant qui tenait un prêche, ajoutant qu'ils étaient arrivés à temps pour disperser les hérétiques. Le commissaire donnait dans cette supposition. Il faisait déjà mettre les menottes aux trois hommes en leur promettant qu'ils seraient pendus, lorsqu'enfin l'un des mousquetaires, moins ivre que les autres, voulut bien convenir que lui et ses compagnons étaient un peu dans leur tort. « Voilà un aveu généreux, observa le commissaire. On reconnaît bien là les personnes de haute naissance. » « En vérité, dit le mousquetaire aux ouvriers, la platitude des gens de plume me ferait renoncer à mes prérogatives de gentilhomme. » Puis, ne pouvant s'empêcher de reprendre un ton de hauteur, « Au revoir, dit-il en s'éloignant. » Nous vous couperons les oreilles quelque autre jour. » Le commissaire s'était retiré, mais après avoir pris les noms et les adresses des combattants. Malgré le désistement des mousquetaires, l'aventure pouvait avoir des suites fâcheuses pour de pauvres diables comme Nicolas et l'oiseau. De plus, l'instruction de l'affaire, si peu importante qu'elle fût devenue, attirait nécessairement les yeux sur la position particulière de Zéphyr, cause innocente de la lutte. Cependant, la pauvre fille était moins préoccupée de cela que du danger que pouvaient courir ses amis. On la ramena au magasin en proie à un accès de fièvre. Malheureusement, les filles de mode étaient rentrées. Elles entendaient, ainsi que la maîtresse, ce qu'elle disait dans son délire. « J'irai trouver ma mère. Elle a des protecteurs puissants. J'avais bien juré pourtant de ne plus mettre les pieds dans sa maison, mais il le faut. Ma mère est l'amie intime du lieutenant de police. C'est lui qui lui a fait avoir une patente. Et puis elle est riche. Et puis elle connaît de grandes dames. » Elle est si complaisante, ma mère. Tous ces gens-là l'ont perdue. Mais elle a bon cœur, au fond. Sans cela, Nicolas et l'oiseau seraient pendus comme huguenots, et c'est moi qui en serai cause. Pourquoi ? Parce que je suis la fille de ma mère. L'oiseau et Zoé frémissaient de ces aveux entrecoupés et de l'étonnement des personnes de la boutique. Il fallut leur tout avouer. Elles ne furent que profondément affectées du malheur et de la situation de leur compagne. Nicolas n'était pas présent à cette scène, car il n'allait pas à la boutique de mode, craignant de compromettre Zéphyr. De plus, il ne s'était pas douté de la gravité du mal qu'il l'avait atteinte, et pensait, en se retournant seul, qu'elle était seulement indisposée des suites de son évanouissement. L'oiseau, le retrouvant le soir, n'osa lui rapporter la scène dont il avait été témoin. Le lendemain matin, Nicolas, étant plus calme que la veille, il crut pouvoir lui dire une partie de la vérité. Ce dernier ne ménagea plus rien, et courut chez la marchande de mode. « Venez donc, lui dit cette femme, je sais bien qui vous êtes. Montez près d'elle, c'est vous qu'elle demande à grands cris. » Zéphyr était accablée et souffrante mais calme. Elle affecta de paraître seulement fatiguée des émotions de la veille. Elle dit à Nicolas qu'il devait se rendre à son imprimerie et la laisser reposer. Puis elle l'embrassa deux fois en lui disant « À ce soir !» Tous les ouvriers s'étonnèrent de la pâleur de Nicolas. À 8 heures, l'oiseau lui dit « Mangeons un morceau !» Puis j'irai prendre Zoé pour aller voir Zéphyr. Tu ne te montreras pas tout d'abord afin de ne pas l'agiter. Ta pâleur lui donnerait de l'inquiétude. Il ne se montra pas en effet, mais il l'entendit parler de la chambre voisine. L'oiseau lui dit « Va te reposer, elle est mieux, c'est toi qui m'inquiète. » Nicolas, en s'éveillant, fut étonné de ne pas trouver son ami. Le fruitier lui dit qu'il avait passé la nuit dehors. Il courut à l'imprimerie. L'oiseau travaillait à sa casse. « Et Zéphyr ? Zoé et moi, nous avons passé la nuit près d'elle. » « Oh Dieu, sans moi ? ta vue aurait redoublé sa fièvre. Comment va-t-elle ? Beaucoup mieux. » L'oiseau rougissait en disant ces dernières paroles. Il essaya d'amuser l'inquiétude de Nicolas en lui parlant d'un travail pressé. Mais après quelques hésitations, ce dernier prit son habit et courut au magasin. L'oiseau le suivit et arriva sur ses pas. Zéphyr étouffait. Cependant, elle prit la main de son amant, essaya de sourire et dit « Ce n'est rien. » Celui-ci ne voulut plus la quitter. Le soir, pendant que Zoé se reposait sur un canapé, Zéphyr fit signe à Nicolas qu'elle voulait avoir la tête posée sur sa poitrine, qu'elle respirerait mieux. Il s'étendit en arrière sur sa chaise, à moitié penché sur le lit, et soutenant au bord cette tête blonde, si fraîche encore l'avant-veille. Au bout de 2 heures de cette position fatigante, un grand soupir réveilla Zoé. « Allez vous reposer à votre tour, » dit-elle à Nicolas. Et relevant la tête de Zéphyr, elle la posa sur l'oreiller. Zéphyr avait rendu le dernier souffle. Nicolas, trompé par ses amis sur la gravité du mal, ne l'apprit que le lendemain. « Et moi, je vais mourir aussi, » dit-il avec calme. Il était, selon son expression même, consolé par le désespoir. Cependant, il ne fit qu'une grave maladie, mêlée de délire et de léthargie. Les premiers mots qu'il prononça furent « J'ai donc achevé de perdre Madame Parangon. » C'est que les traits de Zéphyr lui avaient rappelé ceux de cette femme adorée, comme elle-même lui avait semblé avoir quelques ressemblances avec Jeannette Rousseau, son premier amour. Cette théorie des ressemblances est une des idées favorites de Restif, qui a construit plusieurs de ses romans sur des suppositions analogues. Ceci est particulier à certains esprits, et indique un amour fondé plutôt sur la forme extérieure que sur l'âme. C'est pour ainsi dire une idée païenne, et il n'est guère possible d'admettre, comme Restif le prétend, qu'il n'a jamais aimé que la même femme, en 3 personnes. Les ressemblances tiennent presque toujours à une même origine de pays ou de race, ce qui a pu se rencontrer sans doute pour Jeannette Rousseau et pour Madame Parangon. Aussi Restif suppose que Zéphyr était, par sa mère, issu des mêmes contrées. En général, il y a un côté de ces systèmes philosophiques qui se mêle toujours aux récits les plus véridiques de sa vie. Il croyait à la division des races comme un Indien et repoussait de par ce système les doctrines d'égalité absolue. Le croisement même de familles étrangères ne lui semblait pas changer ce résultat, car il établissait qu'en général, une partie des enfants tenait plus du père, une autre davantage de la mère, quoiqu'il admît bien en Europe un certain détritus de nature bâtarde s'est mélangé. Ces problèmes bizarres ont amusé beaucoup d'hommes distingués au XVIIIe siècle, mais nul ne porta plus loin que lui cet esprit de paradoxe, illuminé parfois d'un éclair de vérité. Si touchante qu'ait été la mort de Zéphyr et la pensée d'expiation qui s'y rapporte, on ne peut s'empêcher de déplorer l'influence fatale qu'eut cette aventure sur les ouvrages et les mœurs de l'écrivain. Comme le sentait si justement l'oiseau, l'on ne touche pas impunément à la corruption. Le pornographe ouvrage à prétention morale, mais où l'auteur se complaît à exposer des raisonnements d'une moralité souvent contestable, fut le résultat de méditations de Nicolas sur le sort d'une certaine classe de femmes qu'il voulait relever à leurs propres yeux comme aux yeux du monde.